Salah El-Sheikh, le ministre saoudien des Affaires religieuses, permet de signer la charte idolâtre des Nations Unies. Ceci est une question qui fut posée à Salah El-Sheikh, ce fonctionnaire du sultan apostat saoudien, lors de son cours sur les droits de l'homme, que l'on trouve sur le logiciel de la Maktaba de Salah El-Sheikh. Voici la question qui lui fut posée. Est-il permis aux pays islamiques de signer le pacte des Nations Unies et les droits de l'homme et ses clauses, malgré que ce pacte contienne des oppositions à la loi islamique? Réponse. Louange à Allah, cette question doit être détaillée. À la base, dans ce genre de choses, c'est qu'un accord contenant des conditions est un point où les savants divergent. Est-ce que toutes ces conditions sont imposées ou bien uniquement celles qui sont en accord avec la loi islamique? Ils se sont basés sur le hadith de Buraïda, lorsqu'ils mirent en condition à Aïcha une condition contraire à la loi, à savoir de faire que le patronage de l'esclave leur revienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Achète-la, affranchis-la et exige d'eux d'avoir le droit de patronage, car le patronage est du droit de celui qui a franchi. » Ce hadith nous indique que le fait de faire semblant d'être d'accord sur une condition nulle légalement, en ayant l'intention de ne pas appliquer cette condition, est une chose permise, car c'est une condition nulle. De ce fait, si un serment est prêté sur des conditions nulles, eh bien les conditions en accord avec la loi islamique sont valides. Et ceux qui ne le sont pas sont invalides, même si tout le monde signe. Quant aux savants contemporains, ils ont divergé sur la question, mais ils sont majoritairement d'avis que si l'État, le pays ou le gouverneur est dans la nécessité de le signer, il n'y a pas de mal à cela, en se basant sur ce hadith, à condition de ne pas mettre en pratique ce qui s'oppose à la loi d'Allah. Fin de citation. La réponse du Cheikh Abu Mariam. Ceux-là sont de grands dupeurs. Et même les plus grands alliés du Tarout. L'allié du Tarout n'est nommé ainsi que parce qu'il soutient et protège ce Tarout par sa langue, sa main ou son argent. De la même manière qu'il est obligatoire aux alliés d'Allah de soutenir Allah par leur langue, leur main et leur argent. Il n'est pas étonnant que cet homme trompe les gens et trafique les propos comme ça. Je dis, il y a deux sortes de conditions dans les pactes. 1. Les conditions qui constituent en soi en de la mécréance majeure. Celui qui accepte cette condition ou donne son consentement en la signant est un mécréant. 2. Les conditions interdites mais qui n'atteignent pas le niveau de la mécréance majeure. Si dans ce genre de conditions il y a légalisation de ce qui est interdit ou interdiction de ce qu'Allah a permis, cela devient alors de la mécréance qui exclut de la religion. Par contre, s'il n'y a pas de modification sur la loi d'Allah, mais qu'il y a juste des conditions imposées qui contredisent la loi islamique sans atteindre le niveau de la mécréance majeure, alors c'est à la base interdit, mais qui en cas de nécessité majeure devient permis. Ça, c'est l'explication valide sur ce thème et les preuves de cela sont indénombrables. Par contre, faire semblant d'être d'accord sur une condition qui en soi est de la mécréance majeure. Aucun musulman ne diverge pour affirmer que c'est de la mécréance. Comme si, par exemple, il conclut un pacte où il est mis en condition de se prosterner pour un autre qu'Allah, ou d'invoquer un autre qu'Allah, ou de gouverner par autre que la loi d'Allah, ou de prendre le Tarout pour juge en dehors d'Allah. Celui qui accepte cela est un mécréant. Exemple de ce genre de conditions qui sont en soi de la mécréance majeure. L'égalité des religions. Ainsi que d'imposer de prendre le Tarout pour juge en cas de litige, comme les tribunaux impies, nationaux, le droit international, la Ligue des droits de l'homme, la dite justice et autres catégories de mécréances contenues dans l'Organisation des Nations Unies. Également, la permission de l'interdit et l'interdiction du permis. C'est ce que l'on trouve dans cette Assemblée des Nations Unies, comme l'interdiction de la guerre hostile que l'islam appelle le djihad talab, le djihad d'attaque, qui est en islam obligatoire pour la communauté musulmane, selon la majorité des salafs, lorsque les conditions sont réunies. L'interdiction de l'esclavage, alors qu'il est au contraire catégoriquement permis en islam, à l'unanimité, de prendre les mécréants pour esclaves. Les lois de l'ONU interdisent cela, et l'État saoudien se soumet totalement à ces lois. Tu n'y trouves aucun esclave, et ils ne font jamais de djihad de conquête, que ce soit contre les mécréants ou les apostats, mais au contraire, s'allient aux apostats et s'associent à eux dans les pactes et des assemblées et abandonnent leurs obligations par respect de la loi des Nations Unies. Toutes ces conditions sont des conditions impies qui excluent de l'islam, comme aussi la permission de l'usure et des intérêts et autres interdictions. Tout ceci est mécréance majeure. Par contre, lorsqu'il n'y a pas dans le pacte de mécréance majeure ou de légalisation des interdits ou interdiction du permis, et qu'un musulman se voit dans la nécessité de conclure un pacte à condition qu'il fasse une chose interdite sans pour autant déclarer cette interdiction comme étant permise, mais juste de commettre une chose interdite, et que le musulman soit dans la nécessité de le faire, alors il lui est permis. Mais si cela ne lui est pas nécessaire, alors c'est interdit. C'est de cela dont il s'agit dans le hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Il est conditionné de donner le patronage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui permet. De même, lorsque le prophète accepta, lors de la paix d'Al-Hudaybiyah, de renvoyer chez les mécréants les musulmans qui se convertissaient et voulaient venir le rejoindre. Ceci est l'explication de ce sujet. Parmi les conditions pour entrer aux Nations Unies, c'est qu'il faut que la loi de l'ONU prime sur la loi du pays membre des Nations Unies. L'article 103. En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premiers prévaudront. Toutes les nations ont accepté cette condition. Et elle est à elle seule une mécréance majeure qui exclut de la religion, car elle fait primer la loi du Tarout sur la loi d'Allah. Nous leur disons alors, est-ce que les lois qui sont prises pour juge par ces États sont-elles des tawarites, oui ou non? S'ils disent non, ils sont des apostats. S'ils disent oui, alors nous leur demandons, quelle différence entre ces lois-là et celles des Nations Unies? Les lois de ces pays ne sont rien d'autre que des dérivés des lois de l'ONU. Nous leur demandons donc, quel est le statut de celui qui accepte la loi du Tarout, s'y affilie, en devient adepte et y prend part? Est-ce de la mécréance, oui ou non? Fin de citation. J'ajouterai humblement que le Salah el-Shir avait mis en condition dans sa fatwa hideuse que le gouverneur n'applique pas le pacte. De ce fait, je lui demanderai de bien vouloir me dire qu'est-ce qui obligea le roi Fahd ibn Saoud de prononcer de tels propos que j'ai trouvés dans le site même du roi Fahd, lorsqu'il dit « Et nous travaillons, chers frères compatriotes, dans la sphère internationale, sous la tutelle des Nations Unies, ses branches et organisations. Nous nous engageons à sa charte, soutenons son effort et combattons toute attitude aberrante cherchant à affaiblir ou à amoindrir la force du droit international afin de le surplanter par la force des armes et le langage de la terreur. » C'est les propos du serviteur des lieux saints à l'occasion de la fête du Ramadan le 23 juillet 1982 du 3-10-1402. Et il dit lors de son discours aux Nations Unies à New York, le 1er octobre 1988, le royaume d'Arabie Saoudite, dont les principes s'inspirent de la loi islamique bienfaisante et sa religion pure qui invite à la paix, la justice, l'égalité et la fraternité, s'est conformé lui-même au chemin de la paix, guidé en cela par ces nobles valeurs-là et de sa foi aux principes et objectifs qui fondent l'ONU. Le royaume d'Arabie Saoudite est disposé à jouer son rôle et à assumer sa responsabilité à concrétiser une paix juste. Nous allons continuer à travailler côte à côte avec tous les États qui aiment la paix afin d'éradiquer l'ombre de la guerre et développer les relations amicales et une entraide productive entre les peuples et la mise en place d'une société internationale dirigée par la justice et la paix. Tiré du discours du serviteur des lieux saints adressé aux Nations Unies, New York, le 1-10-1988. La charte de l'ONU ayant été signée et fondée et financée par l'Arabie Saoudite depuis 1945. Est-ce que quelqu'un demanda à Fahd de réaffirmer sa foi en l'ONU près de 40 ans plus tard? Fahd ibn Saoud dit « Sous la tutelle des Nations Unies, ses branches et organisations, nous nous engageons à sa charte, soutenons son effort et combattons tout toute attitude aberrante, cherchant à affaiblir ou amoindrir la force du droit international afin de le surplanter par la force des armes et le langage de la terreur. Mohamed ibn Abdel Wahhab dit « Et de même, nous considérons mécréant, celui qui embellit le shirk pour les gens et y apporte des arguments fallacieux pour le rendre licite, ou combat de son sabre pour protéger ses lieux, où on adore d'autres qu'Allah, et combat ceux qui refusent cela et qui essaient de le faire cesser. » Sulayman ibn Abdullah et le Sheikh a dit dans Darar Saniya, volume 8, page 121. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que lorsque l'homme fait semblant d'être d'accord avec la religion des idolâtres par peur d'eux, par courtoisie ou par flatterie pour se protéger de leur mal, c'est un mécréant comme eux, et même si en réalité il les déteste et déteste leur religion et aime l'islam et les musulmans. Leur mécréance par Allah ne peut échapper à une personne sincère.